Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un grand remake. Deux chambres d'hôtel contiguës. Dans l'une, un tueur, Ralph Milan. Dans l'autre, un suicidaire, François Pignon. Pignon a un chagrin d'amour, Ralph a un homme à abattre. Entre les deux chambres, une porte de communication. Malheureusement pour Ralph, François Pignon est le roi des emmerdeurs. C'est fini, ceci ? J'appelle les flics ! Vous voulez l'achever ou quoi ? Regardez-le et répondez-moi franchement, qui peut aider ce pauvre homme ? Les flics ? Non, ce qu'il lui faut, c'est de la sympathie, de la tendresse. J'ai autre chose à faire, moi ! Qui va s'en occuper ? Moi. Vous ? Hein ? Excusez-moi, mais vous dites que vous allez vous occuper de lui et il est tout seul dans sa chambre. Mais non, on se parle tout le temps au téléphone, il vient de m'appeler. Et c'est encore lui. Excusez-moi, c'est encore moi, ça va pas du tout. Ah bon ? Oh, c'est lui, il a une très bonne voix. Je vais me foutre par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il dit là ? Continuez à parler, ça vous fait du bien. Je vais m'écraser la gueule par terre, tu vas voir si ça me fait du bien. J'arrive, à tout de suite. Ça l'aide bien, ces coups de téléphone. Pignon ! C'est fini, ce cirque. Quand on les dit avec les yeux, moi qui l'aimais tant. Francis Weber réunit Richard Berry et Patrick Timsit dans L'Emmerdeur, un DVD TF1 Vidéo.